بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Il n'y a nul doute, chers frères, que la prière du Eid, l'accomplissement de cette prière, est un événement très important pour les musulmans, est un événement qui met en évidence les rites de l'islam, l'unicité, la parole de l'unicité, la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il convient alors aux musulmans de connaître ses obligations et ce qui lui est recommandé concernant ce jour grandiose. Et donc, inshallah ta'ala, on va ensemble faire une révision pendant quelques jours sur ce sujet, en nous basant sur un écrit concis et très profitable du très savant Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Il dit, hafidhahullah ta'ala, salatul Eidain, Eidul Fitri wa Eidul Al-Udha. Et donc la prière concernant les deux Eids, le Eid de la rupture du jeûne et le Eid du sacrifice. Mashru'atun bil kitabi wa sunnati wa ijma'il muslimin. Cette prière, elle est légiférée en se basant sur le livre, c'est-à-dire le Coran, la Sunna, ainsi que l'unanimité des musulmans. وَقَدْ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَتَّخِذُونَ أَعْيَادًا زَمَانِيَّةً وَمَكَانِيَّةً فَأَبْطَلَهَا الْإِسْلَامُ. Les polythéistes, ils avaient des fêtes, ils avaient donc, en réalité, le mot أَعْيَاد, عيد, ça va être une erreur de le traduire par fête. Voilà pourquoi je vais le garder avec le mot Eid, inshallah ta'ala, pour qu'on ne fasse pas la confusion. Parce que certaines personnes, lorsqu'on leur explique le fait qu'il est interdit, et on va le voir, inshallah ta'ala, d'avoir, donc, de fêter la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou autre, ils vont faire l'amalgame entre le mot fête dans la langue française et le mot Eid. Et donc, ils vont nous dire que lorsqu'une personne se marie, alors c'est interdit de faire la fête, etc., etc. Ils vont citer plusieurs excuses comme cela. Sauf qu'en réalité, ce qui est voulu par le mot Eid, c'est ce qui revient chaque année. Ada ya'oudou. Et donc c'est ça qui est voulu par le mot Eid. La personne, elle se marie, elle va faire sa walima, etc., etc. Il n'y a aucune interdiction à cela, sauf si la personne va faire sa fête de mariage chaque année. Là, on va dire bid'a. Là, on va dire que c'est une innovation. Et donc, Al-Eid, ce n'est pas simplement une fête, mais ça va être une fête qui revient chaque année. Une fête qui revient chaque année. Et donc les polythéistes, ils avaient donc des rides qui étaient liés à des périodes et qui étaient aussi liés à des lieux. L'islam a annulé tous ces rides qu'avaient les polythéistes avant l'islam. Et Allah tabaraka wa ta'ala a donc accordé aux musulmans à la place les deux rites, le rite de la rupture et le rite du sacrifice. Shukran lillahi tabaraka wa ta'ala ala ada'i hatayn al-ibadatayn al-'azimatayn. En remerciement à Allah tabaraka wa ta'ala parce qu'il nous a permis d'accomplir ces deux actes grandioses, ces deux actes d'adoration grandioses, Sawm Ramadan, le jeûne du Ramadan, ainsi que Hajj Baytillah al-Haram, le fait de pouvoir faire le pèlerinage à la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala, la maison sacrée d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Tayyib. Ici, il y a un sujet que le cheikh n'a pas abordé. C'est l'obligation. Est-ce que la prière du Eid est obligatoire ou pas? Alors, on a trois avis. On a trois avis. Premier avis, l'avis de Abu Hanifa rahimahullah, qui est aussi attribué à l'imam Ahmed. c'est-à-dire c'est aussi une narration de l'imam Ahmed rahimahullah, que cette prière, elle est obligatoire. Que cette prière est obligatoire. La preuve de cela, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Alors prie pour ton Seigneur et fais le sacrifice. Ici on a un ordre. Et certains savants du tafsir, ils disent que ce qui est voulu par là, c'est la prière du Eid. Prie et fais le sacrifice. Donc on a un ordre. Et l'ordre dans la législation implique une obligation. Sauf s'il y a une preuve qui montre le contraire. Parmi les preuves qui ont été utilisées pour montrer que la prière du Eid est obligatoire, il y a le fait que, donc le hadith de Umm Atiya, qui cite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux femmes d'aller participer à la prière du Eid. Même les femmes menstruées, les jeunes et les femmes âgées. Et donc à partir de là, ils ont utilisé ces arguments pour dire que la prière du Eid est obligatoire. Le deuxième avis, l'avis de l'Jumhur. L'Jumhur, ici donc, Shafi'i et Malik. Shafi'i et Malik. Rahmatullahi alayhim. Qui est que la prière du Eid est une sunna mu'akkada. Sunna mu'akkada. C'est quoi sunna mu'akkada? Fortement recommandé. Et donc ça veut dire que si personne ne fait la prière du Eid, on n'a pas de péché. C'est une sunna qui est fortement recommandée. Quelle est la preuve de cela? Un bédouin qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a demandé quelles sont ses obligations vis-à-vis de son Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit khamsu salawat fil yawmi wa layla, 5 prières jour et nuit, 5 prières par jour. Et donc ce sont les 5 prières que nous avons qui sont connues et qui reviennent tous les jours, yarhamukallah. Et cet homme, il a donc interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant wa hal alayya ghayraha, et m'est-il obligatoire d'accomplir autre que celle-ci, autre que ces prières? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam la illa an tatawwa. Il lui a dit non, sauf si tu le fais de manière surérogatoire. Et donc non, il n'était pas obligatoire d'accomplir autre que ces 5-là, sauf si tu le fais de manière surérogatoire. Et on a le troisième avis, l'avis de l'imam Ahmed rahimahullah, le choix de aussi Ibn Taymiyyah, qui est que c'est une obligation communautaire. Fardu kifaya. Obligation communautaire. C'est-à-dire que si personne ne le fait, on est donc dans le péché. Si personne ne le fait, on est dans le péché. Et donc, obligation communautaire, il est obligatoire à certaines personnes de la communauté de le faire. Si personne ne le fait, toute la communauté est dans le péché. Et leurs arguments, ici, ils se basent sur tous les arguments des deux groupes qui ont été cités précédemment. Ceux, donc les preuves qui montrent que nous devons le faire, et les preuves qui montrent que cela n'est pas obligatoire. En rassemblant les deux, on arrive à la conclusion que c'est une obligation communautaire. Et ils répondent aussi au fait que, concernant le verset, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, fa salli li rabbika wanhar, ils disent que ce qui est voulu par ce verset, c'est la prière de manière générale, et pas seulement la prière du Eid, et ceci est l'avis qu'a choisi aussi Ibn Jarir dans son tafsir. C'est aussi l'avis qu'a choisi Ibn Jarir dans son tafsir. Donc ce qui est voulu par la prière ici, c'est la prière de manière générale, pas la prière du Eid. Et aussi, ils vont répondre au hadith concernant le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux femmes d'aller participer à la prière du Eid, même les femmes menstruées, les femmes jeunes, les femmes âgées. Ils répondent à cela avec une argumentation très simple. C'est tout simplement qu'il y a unanimité des savants sur le fait qu'il n'est pas obligatoire aux femmes de participer à la prière du Eid. Il n'est pas obligatoire, ça c'est unanimité. Et donc, si il n'est pas obligatoire aux femmes de participer à la prière du Eid, pourquoi on utilise ce hadith pour dire que la prière est obligatoire aux hommes, à tous les hommes de la communauté, alors que le hadith concerne les femmes? Ce hadith concerne les femmes. Or, il n'y a pas de savant qui dit qu'il est obligatoire aux femmes d'aller participer à la prière du Eid. Mais ce qui est voulu par cet ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire une forte recommandation. Une forte recommandation. Et donc l'avis le plus juste, inshallah ta'ala, est l'avis, donc le dernier avis, inillah, que c'est une obligation communautaire. Non. Le premier avis, c'est le dernier avis. L'avis le plus connu de l'imam Ahmed, c'est le dernier. Le premier, c'est aussi son avis, mais ce n'est pas l'avis qui est connu de lui, le meshhour. Il dit l'imam al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, « وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّهُ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةِ وَكَانَ لِأَهْلِهَا يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يوم النحر ويوم الفطر فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كأعياد المواليد وغيرها. Et certes, il a été rapporté de manière authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, alors les gens avaient deux jours de fête durant lesquels ils avaient des distractions, diverses distractions durant ces deux jours. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah vous a remplacé ces deux jours par deux autres jours de fête. Donc le jour du sacrifice et le jour de la rupture du jeûne. Il dit l'imam al-Fawzan, rahimahullah, hafidahullah. Il n'est donc pas permis de rajouter d'autres fêtes à ces deux jours. D'autres fêtes répétitives à ces deux jours, en y rajoutant d'autres telles que la fête de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou El Mawalid, il a dit au pluriel, donc les fêtes liées aux naissances, ou autres. لِأَنَّ ذَلِكَ زِيَادَةٌ عَلَى مَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَابْتِدَاعٌ فِي الدِّينِ. Car ceci. Car ceci est un rajout à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré. Et une innovation dans la religion. Wa mukhalafatun li sunnati sayyidil mursalin wa tashabbuhun bil kafirin. Et ceci donc est une opposition à la sunna du meilleur des prophètes, des messagers, et c'est une ressemblance aux incroyants. سواء سميت أعيادا أو ذكريات. Ici, le cheikh il attire notre attention sur un point important. Il dit, peu importe que ces fêtes sont appelées des fêtes, ou alors que ce sont appelées des ذكريات. Ce sont des moments de rappel. C'est pour nous rappeler la naissance du prophète. C'est pour nous rappeler la bonté du prophète. Comme ils le disent aujourd'hui, ils nous disent, non, ce n'est pas une fête qu'on fait, puisqu'on va jeûner, on va lire le Coran, on va lire les hadiths. C'est un jour où on fait du rappel. On se rappelle la naissance du prophète, on se rappelle la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, durant ce jour. Donc le cheikh, il nous dit, peu importe qu'on appelle ça une fête, ou alors un jour de rappel, ou ayyaman, ou asabi'a, ou a'waman, ou alors que ça soit donc des jours, ou des semaines, ou alors des années, kullu dhalika laysa min sunnatil islam. Tout cela ne fait pas partie de la sunna de l'islam. بل هو من فعل الجاهلية وتقليد للأمم الكفرية من الدول الغربية وغيرها. Mais au contraire, ceci fait partie des actes anti-islamiques Et ça fait partie du suivi des communautés de mécréance parmi les États, donc de l'Occident et autres. وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. Et certes, le prophète صلى الله عليه وسلم qui nous dit celui qui ressemble à une communauté, il fait partie d'eux. وقال صلى الله عليه وسلم إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Et certes, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit certes les meilleures des paroles sont le livre d'Allah et la meilleure guidée la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les pires des choses sont les innovations et toute innovation est sont les inventions et toute innovation est un égarement est égarement. Nas'alullah an yuriyana al-haqqa haqqan wa yarzuqana ittiba'a wa an yuriyana al-batila batilan wa yarzuqana ijtinaba. Et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous faire voir réellement la vérité et de nous permettre de la suivre. Et nous lui demandons de nous faire voir réellement le faux et de nous permettre de nous en éloigner. L'imam Al-Fawzan, hafizahullah, il attire notre attention sur un point, donc les fêtes innovées. Les fêtes innovées auxquelles vont participer certains musulmans. Ces fêtes innovées sont de plusieurs genres. On a le genre qu'a cité le cheikh, c'est-à-dire des pratiques introduites dans la communauté musulmane, comme la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou d'autres. Et ces pratiques, à l'origine, ne viennent pas de la communauté musulmane, mais aujourd'hui sont propagées chez eux. On a une pratique qui va être pire que cela, ce sont les pratiques des incroyants auxquels vont participer les musulmans. Comme la fête de Noël, le jour de l'an, etc., etc., etc. Halloween et d'autres. Ça, c'est encore pire que le premier groupe. C'est encore pire que le premier groupe. Allah tabaraka wa ta'ala, il décrit ses serviteurs, Ibadur Rahman. Et parmi leurs caractéristiques, annahum idha marru bil laghwi marru kirama. Lorsqu'ils passent dans des endroits où il y a al-laghw, des distractions futiles et interdites, alors là, marru kirama, ce qui est voulu par marru kirama, elles nous disent les savants du tafsir, c'est-à-dire que yukarrimuna anfusahum anil musharakati fi hadhihi al-umur. Ils font en sorte que leur propre personne soit préservée du fait de participer à ce genre de célébration. Il ne convient pas aux musulmans d'aller participer aux ariades des koufars, de leur souhaiter bonne fête, bonne année, etc., etc., alors que ce sont des fêtes polythéistes. Est-ce que tu vas souhaiter félicitations? Est-ce que tu vas féliciter un criminel? Est-ce que tu vas féliciter un menteur? Ah! Félicitations pour ton mensonge. Toyez, quelqu'un qui ment sur nous-mêmes et qui nous fait injustice, le problème c'est que l'être humain est cruel et injuste. L'être humain est injuste et l'être humain, il a en lui de l'égoïsme. Illa man rahimahullah. Si on le critique lui-même, si on lui fait du mal à lui, il ne va pas féliciter la personne qui le critique ou qui lui fait injustice. Jamais il va dire « Ah, t'as menti sur moi, qu'Allah te récompense, mashallah, quel beau mensonge, hein, qu'Allah te félicite pour ce mensonge que tu as inventé sur moi-même. » Mais par contre, lorsque c'est une personne qui va mentir sur son Seigneur, là, il ne va pas avoir de mal à dire « Félicitations, bonne fête, etc. » Est-ce qu'on sait, les frères, barakallahu fikoum, la naissance de Jésus, ils nous disent, la naissance du Fils de Dieu. Et le musulman, il vient et dit, félicitations, joyeux Noël. Comment ça, la naissance du Fils de Dieu? Et donc ces gens-là, ils mentent sur Allah tabaraka wa ta'ala. Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala a cité les interdictions. Parmi les interdictions formelles qu'il a citées tabaraka wa ta'ala, wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Le fait que vous disiez d'Allah ce que vous ne savez pas. Le fait de mentir sur Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc il est important qu'on comprenne ce principe fondamental. Oui, nous avons notre religion. Oui, parfois, nous, on va voir des non-musulmans qui vont nous féliciter. Ils vont nous dire, oh, bonne fête du Eid aux musulmans, etc., etc., etc. On ne va pas leur dire non, puisque ça, c'est un haq. Puisque nous sommes sur la vérité. Donc, on ne va pas leur dire non. Mais on leur dit, il est beaucoup mieux pour toi de venir participer avec nous en acceptant l'islam. Convertis-toi à l'islam et viens participer avec nous à cette fête. Mais maintenant, le fait que nous, on va les féliciter pour leur fête, là, abadan, non, on ne fait pas ça. Et ne soyez pas gênés d'expliquer aux gens ce genre de choses. Parfois, les frères, ils ont en eux de la gêne. Tu vas faire tes courses, quelqu'un te dit « Joyeux Noël, bonne Pâques », etc., etc. Et les gens sont gênés de dire « Non, nous ne fêtons pas cela ». Alors, c'est une ambiguïté qui vient du diable. Le fait de faire croire que si on dit aux gens la vérité, on va les faire fuir. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux gens la vérité. Alors qu'ils ne voulaient pas du tout délaisser leur divinité et leurs principes, mais il leur a dit la vérité. Et donc, toi, il faut que tu sois sage, que tu fasses preuve de sagesse dans la façon dont tu expliques la vérité. Et c'est pour ça qu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Aïcha, comme dans Sahih Muslim, « Inna rifqa » Inna rifqa idha kana fi shay'i zana. Certes, la douceur, lorsqu'elle est dans une chose, alors elle l'embellit. Et donc, tu as un message à faire passer. Ton message, tu sais que c'est un message qui est difficile. C'est un message qui est difficile à faire accepter. Alors fais attention aux mots que tu vas utiliser pour faire passer ton message. Tu n'es pas obligé, lorsqu'il te souhaite joyeux anniversaire, de dire « Oh non, nous ne fêtons plus ça !» etc. Non, doucement. Tu lui expliques. Tu lui dis, tu peux lui expliquer l'origine de ce genre de fête. Ça, c'est très bien, ça, le fait d'expliquer aux gens l'origine. Pourquoi est-ce toutes ces années, on a fêté des anniversaires ? Quoi? D'où ça vient, etc., etc. Lorsque tu leur expliques l'origine des anniversaires, là, les gens commencent à comprendre pourquoi toi, tu ne le fêtes pas. D'accord? Et donc, il est important, barakallahu fikoum, de comprendre que le musulman, il ne se tait pas sur le faux. Il ne doit pas laisser les gens dans le faux comme cela et il ne dit rien et même il accepte. Non. El muslim la yukirru bil batil. Il n'accepte pas, il ne va pas appuyer les gens dans le faux. Allah Azza wa Jal qui nous dit wa qad nazzala alaykum fil kitab an idha sami'tum ayati llah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadith ghayrihi innakum idhan mithluhum. Certes, il a fait descendre sur vous dans le livre que si vous entendez des versets d'Allah qui sont pris en moquerie ou en raillerie, alors ne vous asseyez pas avec eux jusqu'à ce qu'ils changent de sujet, sans quoi vous êtes comme eux. Et donc, lorsque tu vois les gens qui vont transgresser dans un sujet, tu n'as pas le droit de rester avec eux, sauf si tu restes pour leur faire le reproche. Nawawi rahimahullah, il dit sauf si tu restes pour leur faire le reproche. Et donc, ils viennent te voir, ils te disent joyeux anniversaire. Tu leur expliques que nous ne fêtons pas cela. Tu sais très bien, maman ou papa, que je me suis converti à l'islam. Et donc, par rapport à cela, nous avons certains principes que nous ne faisons plus. Tu vois qu'il y a des choses que je faisais avant, que je ne fais plus. Il y a des choses que je ne faisais pas avant, que je fais aujourd'hui, comme le bon comportement que j'ai envers toi, etc., etc. Tu n'hésites pas à montrer, parce que eux, en général, ils vont fermer les yeux sur toutes les bonnes choses qu'on fait. Alors, tu n'hésites pas à mettre en avant cela pour montrer que, depuis que je suis musulman, mon comportement envers toi, il s'est beaucoup amélioré, etc., etc. Mais par contre, il y a des principes et des choses auxquelles nous n'adhérons pas. Et il faut leur montrer qu'ils ne peuvent pas te forcer à cela. Parce que les gens, aujourd'hui, à notre époque, ils ont tendance à vouloir forcer à tout le monde à suivre leurs mœurs. Non, toi, tu veux faire ça, tu ne peux pas m'obliger à le faire. Tu ne peux pas m'obliger à le faire. Donc voilà, moi, le conseil que je donne à mes frères, c'est d'expliquer correctement et surtout de ne pas attendre le dernier moment. Tu sais que c'est ton anniversaire qui va arriver. Tu sais que ta date de naissance, elle est là. Tu sais qu'à telle date, les gens vont venir te voir, etc. Tu préviens à l'avance. Tu préviens à l'avance, tu les invites à la maison, etc. Tu leur dis, écoutez, je voulais vous prévenir de quelque chose. Il y a ci, ça, ça, ça, ça. Si tu préviens le jour même, le jour où ils ont acheté les cadeaux, le jour où ils sont préparés pour faire une surprise, ils vont te dire, mais tu nous as gâché notre journée. Tout ça parce que tu as attendu le dernier moment. Donc, le conseil que je donne à mes frères, un, la douceur, et deux, l'organisation, et le fait de ne pas attendre le dernier moment pour annoncer ce genre de choses, surtout les événements qui sont connus, et on s'attend à la venue de ces événements-là. Non. Oui, si c'est un... Tu vas y avoir plusieurs familles. Est-ce que c'est compliqué ce sujet, les frères? Et donc, il faut faire attention à cette gêne que parfois certains vont ressentir, qui a une gêne néfaste. La gêne à la base en islam, le fait d'avoir de la pudeur, de la gêne, c'est quelque chose qui est louable. C'est quelque chose qui est louable. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Idha lam tastahi fasna'a ma shi'ta » Si tu n'as pas de gêne, alors fais ce que tu veux. C'est-à-dire, ce qui est voulu ici, c'est celui qui n'a pas de gêne, en réalité, il va faire ce qu'il veut. Haram, halal, il va faire ce qu'il veut en fait. Il va tomber dans des péchés sans gêne. Ou alors, ce qui est voulu ici, c'est que si tu vois que tu n'es pas gêné de faire cet acte-là, alors fais-le, parce que ça veut dire que l'acte, il est licite. Car en général, le péché, tu ne veux pas le faire devant tout le monde. Tu seras gêné de faire un péché comme ça devant tout le monde. Donc, si tu vois que tu le fais, que tu n'as pas de gêne, c'est que cet acte, il est licite et que tu sais qu'il est licite. Et donc, on a les deux compréhensions par rapport à ce hadith. Et donc, la gêne, elle va être louable. Mais sauf quand c'est une gêne qui s'oppose au texte. À ce moment-là, les savants, ils disent, c'est un daf. C'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Nous ne devons pas être gênés du fait de reprocher aux gens le faux sur lequel ils sont. Eux, ils ne sont pas gênés de nous dire. Pourquoi vous avez la barbe? Pourquoi tu marches en camis? Pourquoi tu dois te réveiller à 3 heures pour aller à la mosquée, mon fils? Et si, et si, et ça, etc., etc. Ils ne sont pas gênés. Et donc, nous non plus. Nous non plus. Mais nous faisons attention à nos mots. Nous faisons attention aux mots qu'on utilise. On va continuer encore un peu. Ensuite, il dit l'imam El-Fawzan. حفظه الله وسمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر كل عام et donc le عيد a été appelé comme tel parce que celui-ci revient et se répète chaque année ولأنه يعود بالفرح والسرور ويعود الله فيه بالإحسان على عباده على إثر أدائهم لطاعته بالصيام والحج et donc et ce jour donc cette fête elle revient à chaque fois avec la joie et le bonheur. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il revient, c'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il accorde à chaque fois aux croyants durant ce jour, il leur accorde sa bienfaisance tabaraka wa ta'ala, après qu'ils aient accompli, donc il les comble de sa bienfaisance tabaraka wa ta'ala, après qu'ils aient accompli, donc, ses actes d'obéissance pour lui, tels que le jeûne et le pèlerinage. والدليل على مشروعية صلاة العيد. Et donc ici, la preuve qui montre que la prière du Eid est légiférée, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala fait salli li rabbika wanhar. Accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Ainsi que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla. Certes, a réussi celui qui s'est purifié. Qui s'est purifié ici, certains savants nous disent la purification. Tazakka, on parle de zakat al-fitr. On parle de zakat al-fitr. A réussi donc celui qui s'est purifié. Wa dhakara isma rabbih fa salla et a fait le rappel de son Seigneur et a prié. Et donc le premier verset concerne donc Donc, selon un avis des savants, le premier verset concerne la prière donc, du Eid al-Adha, le Eid du sacrifice. Et le deuxième verset qui a été cité par le Cheikh, il concerne le Eid de la rupture du jeûne. Il dit l'imam al-Fawzan, Hafizahullah wa kana al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa al-Khulafa min ba'dihi yudawimuna alayha. Et certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses califes après lui ont tous participé, ont toujours participé à cette fête. Cette fête qui se répète, la fête du Eid. Pourquoi ? Pour nous montrer qu'il n'est pas convenable aux musulmans de délaisser cette fête. Et donc la vie la plus juste, comme on a vu tout à l'heure, c'est une obligation communautaire. Mais on insiste sur le fait qu'il n'est pas convenable que le musulman il délaisse cette fête. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais délaissé cette fête. Naam. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Enfin, pour ce matin. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.